Page 59. Activité 4. Piste 47. A. C'est un grand tableau. B. C'est une petite chaise. C. Les classes sont larges.